Out of time. Pusti qui piche et tiens bien out d'asma. Il est au quart du temps, il piche un goût d'asma. C'est un vieux fou! And Greg G. Oh le dégueulasse! Vous me décevez si c'est ce que vous pouvez faire de mieux. Silence maintenant, tu vas prendre une claquette. Qui m'a raté? Qui m'a raté? Qui m'a raté? Explose tes boomers. Allez les guides. All I ever dreamed of. All I ever wanted. All I ever need. Galaxy. Bienvenue à bord.

respirer. Mm-hmm. verrez bien, hein, oui. Et me regarde pas, j'ai pris un bain la semaine dernière. Tais-toi, pauvre imbécile. Oui, je reconnais cette odeur, c'est celle de quelqu'un. Et je crois savoir de qui. Cogné, Grigny. Et voilà, j'avais raison, comme d'habitude. Thank you. Thank you.

Yeah.

was Jack. And Jack had a groove. Jeudi, 23h01. En Galaxie. Cancer. Greg D. Ah bah, noise. Ah bah, noise. 120 minutes de mix. Mix. Mix. Mix. Galaxy. Allez les guides. Le meilleur de la scène électronique avec Connie and Greg D. Sur Galaxy. Galaxy. Galaxy. Galaxy.